السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله سبحانه عز وجل en cette soirée du samedi 8 Sha'ban 1435 de l'Hégire, correspondant au 7 juillet 2014, bi'idhnillah ta'ala. Nous allons continuer, inshallah ta'ala, de lire quelques fatwa du grand savant Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah azza wa jal. Une seconde. Tayyib. En même temps, je dis, c'est bien d'écrire, je dis à l'admin, c'est bien d'écrire la date comme ça directement sur la bannière, comme ça je ne perds pas de temps à chercher où est la date, et des fois, même quand tu l'affiches, des fois ça monte et des fois je ne la trouve pas, et comme ça. Donc, jazakallahu khayran. On continue, on dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Tayyib. Il a dit. Toujours, on est dans le premier tome, on est, disons, quelle page ici? Ici, disons, c'est page 183, à peu près, 183, 184. Il a dit, « Ad-dalilu ala anna inzali al-mani'i bi-shahwa yufsidu sawm hadith al-Bukhari » où le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, يعني كل الله تعالى دي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وإنزال المني وإنزال المني شهوة لكن يجب عليه القضاء فقط ما لم يجامع لأن هذا ليس بجماع وكذا لو أكل لا يقاس على الجماع بدليل أن الجماع يفسد الحج قبل التحلل يفسده غيره من محظورات. Page 191. Le Cheikh ici, Ali Rahmatullah, a dit que pendant le Ramadan, si quelqu'un va être la cause pour faire descendre l'âme, pour faire descendre, yani pour avoir, yani disons son plaisir, pour avoir son plaisir, jusqu'à ce que, par exemple, descende de lui, yani le liquide. Il a dit, d'après lui, d'après Cheikh Rahimahullah, il a dit. Il a dit dans ce cas, il doit quoi? Il doit frapper un autre jour. Celui-là, bien sûr, il continue à jeûner. Il a dit, mais il rattrape seulement un jour. Et pourquoi il doit rattraper le jour? Non, car d'après Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah Ta'ala a dit, en parlant du jeûneur, il a dit, il délaisse son manger, son boire et son plaisir à cause de moi. Allah Ta'ala qui parle. Il dit, c'est-à-dire que mon serviteur mérite la rétribution. Pourquoi? Il délaisse son manger, son boire et son plaisir à cause de moi. Il a cité plaisir. L'autre qui a eu son plaisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a pas délaissé ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, il doit yani, continuer à jeûner et rattraper le jour bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il a dit rattraper le jour? Parce que beaucoup disent qu'il doit jeûner 2 mois. Beaucoup disent il doit jeûner 2 mois consécutifs. Le cheikh dit non, un seul jour. Il a dit parce que pour jeûner 2 mois consécutifs, il faudrait qu'il y ait quoi? Il faudrait qu'il y ait accouplement. Il faudrait qu'il y ait accouplement. Ici, il a dit, il n'y a pas d'accouplement. C'est peut-être une chose que la personne a faite avec sa main ou je ne sais de quelle façon. Donc, il a dit, il doit rattraper seulement une journée. Il a dit, il en est de même, il en est de même pour le manger. Si quelqu'un, il a dit, par exemple, aïkoum salam, ah, il va faire quelque chose ou la rentrer quelque chose dans sa bouche. Là, il a dit, il rattrape seulement la journée. Il rattrape seulement la journée et non pas 2 mois. 2 mois consécutifs, c'est spécialement pour le rapport sexuel. S'il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas 2 mois consécutifs. Bien sûr, il y va sans dire que celui qui fait cette chose pendant le Ramadan, qu'il doit rattraper la journée, bien sûr, et qu'il a des péchés. Et qu'il a des péchés. Cela, yani, il y va sans dire. Et là, dans la page 233, et celui qui fait la masturbation pendant le Ramadan, il doit rattraper le jour et il n'a pas les 2 mois consécutifs aussi. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Parenthèse, quant au péché, ça c'est entre lui et Allah subhanahu azawajal. Il a dit ensuite, Ar-rajihu, an al-madhiya la yufsidu s-sawm. حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع. Il a dit l'avis le plus juste. Et le plus fort, Allah, que le madhi, et ça s'appelle aussi le madhi, ça, c'est quelque chose que secrète les parties intimes de l'homme. Non pas le plaisir, mais disons avant. Avant, quand il est par exemple en train de jouer avec sa femme ou de voir des choses ou, hein, il y a des fois quelque chose qui est secrété. Il a dit, cette chose-là qui s'appelle en arabe le madi ou bien le madi et qui n'est pas le sperme. Le sperme, c'est le mani. Il a dit, si ça sort de l'homme, il n'a pas dit l'homme, il a dit, si ça sort, même si c'est avec un plaisir, il a dit, ça n'a pas le statut de l'accouplement. Ça n'a pas le statut de l'accouplement et par conséquent ça n'annule pas le jour ni il est obligé de quoi ni il est obligé de rattraper le jour. Donc il y a une grande différence entre ce liquide et le premier quand on l'a dit tout à l'heure, le sperme. Ça pendant le Ramadan, si c'est pas par accouplement, par sa main ou quelque chose, à part les péchés qu'il a, il doit rattraper le jour, jeûner, rattraper le, continuer à jeûner et rattraper le jour. Mais si c'est seulement le liquide qui précède cette chose, le liquide qui est connu chez l'homme et peut-être aussi chez la femme, dans ce cas, ça n'annule pas sa journée et en même temps, il ne rattrape pas la journée. C'est comme par exemple le mari qui embrasse son épouse pendant le Ramadan ou bien vice-versa. Et il y a quelque chose qui sort, qui n'est pas le sperme, dans ce cas, il ne rattrape pas la journée. Personne ne rattrape la journée. Il a dit وكاد تقبيل المرأة. Et il en est de même pour s'il embrasse son épouse. ولو بشهوة. Même avec embrasse, c'est-à-dire avec désir, car il peut embrasser sans rien ressentir. Mais là, il dit l'embrasse avec plaisir, il désire. أو المذي. ولو عمدا يفسد الصوم. Il a dit donc le liquide qui sort, ne بإذن الله تعالى n'annule pas le siyam. Ensuite, le cheikh dit page 225 et aussi 220. Il a dit Al-ibir, allati la tughdhi wa la taqum maqam al-akli wa shurbi la tuftir. Sawa'un kanat fi al-warid ou fi al-adalat ou fi ayi makan akhar min badanihi. Il a dit aussi ça, il a dit ça aussi page 192. Il a dit les piqûres, hein? C'est-à-dire quand on va yani, s'injecter une piqûre. Il a dit, qui ne contient pas de nutrition, qui ne contient pas quelque chose qui nourrit. Et qui ne peut pas être à la place du manger, du boire. Il a dit, ça n'annule pas le siyam. Sawa un kan fil wird. Quand la mette, disons, quand la cette piqûre, cette seringue, là, si on va te la mettre dans les veines, il a dit, ou bien, yani dans n'importe quelle partie du corps, dans n'importe quelle partie du corps, il a dit, elle n'annule pas le siyam. Car beaucoup de gens, et des malades, etc., ont besoin d'être, d'une piqûre une fois par jour, je ne sais pas quoi. Et beaucoup ont peur, ils disent, donc j'ai peur d'annuler ma journée, peut-être je rattraper ma journée. Certains font la différence. Ils disent, si c'est dans la veine, tu rattrapes. Si c'est, par exemple, sur le dos, ou la main, ou la cuisse, ils disent, tu rattrapes pas. Le cheikh dit, dans n'importe quel endroit, tu rattrapes pas. Wakad al-ibir al-muqawiya la tuftar. Il a dit, même les piqûres, si on ne dit pas piqûres, faut me corriger. Il a dit, même les piqûres al-muqawiya. Yani, qu'on s'injecte dans le but de quoi? Dans le but de se fortifier. De se fortifier. Il a dit, des fois la personne est faible. On l'emmène à l'hôpital, je ne sais pas quoi, et on lui fait une piqûre, yani, pour voir, yani, se fortifier, se lever, etc. Non, reprendre ses forces. Il a dit, cette piqûre n'annule pas le siyam. N'annule pas le siyam. Wakada pénicilline d'Idd al-Humma. Il en est de même pour la piqûre, là, qui on appelle ça pénicilline, contre par exemple la fièvre. Des fois la personne a la fièvre, elle a besoin d'une piqûre, de la pénicilline. Dans ce cas, ça n'annule pas le siyam. Ça n'annule pas le siyam. Non. Et il est ويجوز الاكتحال والقطر في العين والأذن حتى وإن Le Cheikh dit, rahimahullah ta'ala, page 205, il a dit, il est permis de mettre le noir dans les yeux. Il est permis pendant le Ramadan de, disons, se noircir les yeux. De même qu'il est permis de mettre des gouttes dans les yeux. Dans les yeux. Quelqu'un a mal aux yeux, par exemple, il va mettre des gouttes dans les yeux. Et dans l'oreille. Quelqu'un qui a mal à l'oreille, hein, il va mettre des gouttes dans son oreille. Il a dit, quand il va mettre des gouttes dans les yeux, ou bien dans ses oreilles, ceci est permis et ça n'annule pas le siyam, même s'il va quoi? Il va sentir le goût. Il va sentir le goût dans son gosier. Car il est possible que des yeux, ça descende au gosier. Non. Il a dit, même s'il sent dans son gosier le goût, non, des gouttes, il a dit, même avec cela, ça n'annule pas le jour. Pourquoi? Car ce n'est les gouttes, ce n'est ni yani, manger, ni boire, ni c'est un manger, ni c'est une boisson, ni ça le ressemble. On n'a jamais vu quelqu'un qui a faim, qui va dire, je vais mettre des gouttes, voilà. Quelqu'un qui a faim, qui va dire, je vais mettre des gouttes dans mes yeux pour m'apaiser un peu. Alors quelqu'un qui a soif, il va dire, je vais mettre des gouttes dans mes oreilles. On n'a jamais vu ça. Donc, ce n'est pas une nourriture. Ni, je veux dire, les yeux et les oreilles ne sont pas aussi une voie. Non, ce ne sont pas une voie, yani, qui mène, disons, à la bouche ou qui a rapport avec la bouche. Non, ce n'est pas une voie avec la. Ce ne sont pas des voies avec lesquelles on se nourrit. Ce n'est pas nutritif. Et c'est l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah. Emma al-qatru fil anf. Par contre, si on met des gouttes dans le nez, si on met des gouttes dans le nez, مع دخول الجوف فإنه يفطر. Ensuite, les gouttes qu'on a mises dans le nez, c'est arrivé au gosier et c'est même descendu au ventre. Dans ce cas, quoi? Dans ce cas, on doit rattraper la journée. Non, si on savait, on l'a fait exprès. Bien sûr, maintenant, si on va mettre les gouttes dans le nez en essayant de ne rien laisser passer, non, c'est possible. Mais la plupart du temps, ça passe. Donc, c'est pour cela qu'il vaut mieux éviter. Donc, vous remarquez avec moi, d'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith à quelqu'un, il lui montrait comment faire les ablutions. Il lui a dit, quand tu arrives au nez, il faut exagérer dans l'aspiration. Balir fit istinchar. Exagère quand tu fais monter de l'eau. Yani, tu fais rentrer de l'eau dans ton nez. Il a dit, sauf si tu es quoi? Sauf si tu es en état de jeûne. Pourquoi? Parce qu'en étant en état de jeûne, si tu vas aspirer comme ça de l'eau dans ton nez, tu vas le faire passer dans ton ventre, dans ton ventre. Et de ce hadith, qu'est-ce qu'on prend? On prend beaucoup font la faute. Quand ils font les ablutions, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste un peu d'eau dans leurs mains et ils mouillent juste un peu le nez. Ils mouillent juste un peu le début d'une narine comme ça, des narines, et ils jettent l'eau. Alors que le hadith, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, exagère. Il faut non seulement yani, faire aspirer de l'eau, mais encore exagérer. Il a dit, exagère. Dans les narines, dans le fait d'aspirer, sauf si tu es en état de jeûne. Donc vous avez remarqué avec moi qu'on a, disons, trois orifices. Non. On a les narines, on a les oreilles et on a les yeux. Bon, les yeux, ce n'est pas des orifices, mais disons trois voies. Non. Deux, c'est permis pendant le ramadan et une, ce n'est pas permis. Ce qui est permis, c'est quoi? C'est les yeux et les oreilles. Et ce qui n'est pas permis, c'est quoi? C'est yani, le nez, les narines. Et bien sûr, la bouche. Et bien sûr, la bouche. Il est permis aussi. وكاد البخاخ إذا كان عليه ضيق في التنفس يجوز استعماله فإنه يجوز استعماله لأنه لا يصل إلى المعدة فليس أكلا ولا شربا. Il a dit ça, page 206. Je répète, il a dit de même, il en est de même, il en est de même, ça veut dire c'est permis. Il en est de même pour, comment vous appelez ça le boukhar? Certains disent le bahar. Mais le vrai, c'est le beau. Non. Comment ça s'appelle? Vaporisateur. Oui, je crois. Ça, pour ceux qui ont l'asthme, par exemple. Ceux qui ont l'asthme, ils prennent comme ça une petite chose, ils la mettent dans la bouche. Ils appuient dessus et ça donne quelque chose yani, dans le gosier. Ça s'appelle vaporisateur. Inch'Allah ta'ala, vous avez compris. Même si ça s'appelle pas vaporisateur. Entre parenthèses, et j'ai beaucoup de penchant vers que ça s'appelle vaporisateur. Je disais, même si ça ne s'appelle pas, le mouhim, vous avez compris. Ceux qui ont l'asthme, achètent une petite chose comme ça, une petite bouteille comme ça, en plastique, hein, et ils mettent dans la bouche, Ventoline. Voilà, Ventoline. Ça, ils mettent ça dans la bouche et ils appuient. Non. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, ça n'annule pas le siyam. Ça n'annule pas le siyam si la personne a besoin de inhalateur. Inhalateur. Non. On me dit c'est bronchodilateur. Bronchodilatateur. Allahu Akbar. Pour aller l'acheter déjà, je ne vais pas trouver le mot. Bronchococococo. Bon, crocodile, le mohim. Ah, mais c'est difficile. Donc, je disais, il a dit, si la personne, bien sûr, a quoi? A des complications dans son, c'est pas son ventre, dans sa poitrine. Dans sa poitrine. S'il sent qu'il peut le délaisser, il le délaisse. Mais s'il sent qu'il est dans le besoin de faire cette chose, il l'a fait, c'est une permission que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. et sans quoi son jeûne est valable et valide bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il a dit contrairement bikhilaf al capsulette, contrairement aux capsules, des fois la personne a mal aussi à la poitrine ou je ne sais où, on lui donne des capsules. Il va les boire ou alors les sucer. Dans ce cas, il a annulé son jour. Pourquoi? Car ça arrivait au ventre. Ça arrive au ventre, aux intestins. Cheikh dit, يفرن البخور والطيب والعطور في الاستنشاق. Cheikh dit, page 21 à peu près, il dit, يفرق. Doit faire la différence entre. Bon. البخور. Quelque chose qu'on appelle l'encens. Bukhur, c'est très connu dans les pays du Golfe, etc. C'est des petits trucs comme ça, comme un petit morceau de bâton comme ça, qu'on va mettre sur le feu. Et il va donner de la fumée, il va donner une très bonne odeur. La très bonne odeur. Bah, voilà, le bâton d'encens. C'est très bien de faire aussi ça pendant le vendredi dans la mosquée. Dans la mosquée. C'est bien le vendredi de faire, yani d'allumer des choses comme ça dans la mosquée pour que ça donne une bonne odeur. Même si la personne ne le fait pas le vendredi, un autre jour, c'est bien aussi. Mais surtout le vendredi à cause qu'il y a beaucoup de gens et ça peut donner yani, des mauvaises odeurs. Le cheikh dit, il faut faire la différence entre le bâton d'encens, celui-là, et le musc par exemple, et les parfums dans quoi? Dans le fait, yani, de les sentir. Quand j'approche de moi un parfum, je le sens. Quand j'approche de moi du musc par exemple, et je le sens. Et quand je m'approche de l'encens et je le sens, il y a une différence. استاقه لأن له جرما يتصاعد ويصل إلى الجوف من طريق الأنف. Si la personne, يعني fait exprès, sciemment, et va sentir, va s'approcher de l'encens et va, يعني, aspirer comme avec son nez. Il a dit, elle doit répéter, elle doit, يعني, comment dirais-je, elle a annulé sa journée. Et doit rattraper la journée. Il a dit pourquoi? Il a dit car l'encens, ça quoi? Ça a une chose, yani, palpable que tu peux toucher. C'est la fumée qui va rentrer par ton nez et arriver jusqu'à ton gosier et descendre dans le ventre. Il a dit contrairement à quoi? Contrairement au parfum et au musc. Le parfum, quand tu vas sentir avec ton nez, même si tu approches la bouteille de parfum, le maximum de ton nez, il n'y a rien qui va rentrer dans ton nez ni dans ton gosier. Juste de l'air. Pour le musc, c'est juste de l'air. Par contre, l'encens, non. C'est de la fumée qui rentre dans quoi? Dans ton ventre. C'est pour ça, Cheikh dit, il faut faire la différence entre les trois. Les trois. Ensuite, je me rappelle ça quand j'étais enfant. Comment dirais-je? Beaucoup de gens croient, et je suis sûr qu'il y en a même jusqu'à de nos jours, croient que le parfum annule le siyam. C'est pour ça que j'ai dit que je me souviens quand j'étais jeune, j'allais au Wesmo, chez le coiffeur, là, il ne met pas le parfum quand il te coiffe les cheveux, te coiffe, ça veut dire te rase ou te taille. Là, il met pas. D'habitude, il met. Mais pendant le ramadan, il met seulement de l'eau. Pourquoi? Parce que d'après lui, ça annule le siyam. Alors nous, on a montré que, Inch'Allah ta'ala, que ça n'annulait pas. Non. Il a dit aussi une règle importante, il a dit, on va la citer, une règle importante. Al-qa'idatu anna man aftara bi'udrin shar'iyyin يجوز له أن يأكل ويشرب ثم يقضي، وأما غير المعذور فيجب عليه الإمساك عن الأكل والشرب زائد القضاء. J'explique. Et c'est une règle, et il faut bien يعني, la noter et ne jamais l'oublier. Celui qui mange pendant le ramadan avec une excuse. Quand je dis mange, ce n'est pas obligatoirement manger يعني, des plats, etc. Par exemple, quand tu prends le médicament, tu as mangé ou tu n'as pas mangé? Tu as mangé. Oui. Il a dit celui qui mange pendant le ramadan, mais il a des excuses. Il a des excuses. Celui-là, celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Que beaucoup de gens font le contraire. C'est quoi cette chose? Regardez, imaginez que le médecin te dise, toi, hein, par exemple, aujourd'hui, tu ne peux pas jeûner. Tu es très faible, etc. Voilà, tu dois prendre tel médicament. Il te donne, par exemple, des capsules que tu dois boire. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent seulement les capsules et ne mangent rien. Ni, yani, mangent le pain, ni la soupe, ni rien, ni ne boivent quelque chose. Il te dit, ce qui est permis, c'est seulement les médicaments. Et malgré cela, bien sûr, il va rattraper un jour. Alors le cheikh, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à une règle. Cette personne qui a pris les médicaments, elle les a pris. C'est une excuse pour elle ou c'est pas une excuse? C'est une excuse. Elle est malade. C'est le médecin qui a décidé. Elle est malade. Donc, elle a une excuse religieuse, shar'i. Et la règle, que dit la règle? Toute personne qui mange quelque chose ou boit pour une excuse religieuse, pour une excuse religieuse, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut continuer à boire toute la journée. En revanche, elle doit rattraper le jour bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Vous avez remarqué que beaucoup de parents, il est vieux, etc. Il peut prendre le médicament, mais jamais il ne mange. Tu lui dis, viens manger, il te dit, non, comment? Tu lui dis, mais tu as bu le. Te dis, oui, mais juste le médicament. Juste, mais je ne mange pas autre chose. C'est interdit. Alors que la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Toute personne qui boit et mange quelque chose avec excuse, il lui est permis de quoi? De manger et de boire toute la journée. Par contre, celui qui n'a pas d'excuse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'arrêter de boire et manger, plus rattraper le jour. Plus rattraper le jour. Donc il y a une différence. Celui qui n'a pas d'excuse, hein, il doit s'arrêter, hein, et rattraper le jour. Et certains ont dit qu'il rattrape 2 mois consécutifs. Et d'autres ont dit seulement un jour. Et d'autres ont dit même pas un jour. Il fait seulement la tawba car il a fait quelque chose de très grave et qui ne peut pas être rattrapé. Quand je suis en train d'expliquer comme ça des choses, si jamais entre-temps il y a des choses peut-être qui ne sont pas claires ou là, vous pouvez peut-être écrire à l'admin, lui dire j'ai pas compris ce qu'il a dit là, telle ou telle chose. Ou de répéter telle chose pendant qu'on est dans le cours. Qu'est-ce qu'il a dit aussi ici? Maintenant, c'est très important. Je voudrais que, si c'est possible, même de l'écrire et de le noter. Tellement c'est important. Je voudrais que la personne, si c'est possible, le note. Pourquoi? Parce que c'est une base. C'est une base qu'il faut retenir et tu auras besoin toute ta vie. Tant que tu es vivant, tu as besoin de cette base. Pourquoi? Dans le siyam. Non. Toi, il va t'arriver des problèmes, tu te bases sur cette base. Ta femme va te poser la question, tu connais la base, tu lui réponds. Ton mari te pose la question, tu as la réponse. Tes enfants posent la question. Tu trouves vite la réponse. C'est quoi cette base? Écoutez bien ce que je vais dire. Le cheikh dit, toutes les choses qui se mangent et qui se boivent, par exemple, ce qu'on appelle muftirat en général, c'est-à-dire des choses qui annulent le ramadan. Ils ont comme ça en général. Toute chose qui annule le ramadan ne peut l'annuler que si elle remplit trois conditions. Toute chose qui annule le ramadan ne peut l'annuler, sauf si elle remplit trois conditions. La première, la science, l'ilm. La deuxième, le dhikr, le souvenir. La troisième, le qasd. Le qasd, c'est, disons, l'intention. Est-ce que quelqu'un peut nous répéter ces trois? Car je vais commencer à les expliquer, bi-idhnillahi ta'ala. Voilà. Toutes les choses qui se mangent, qui se boivent, c'est-à-dire qui annulent le ramadan, ne peuvent l'annuler que si elles remplissent trois conditions. La science, le souvenir et l'intention. Très très important. Quand j'ai dit toutes les choses qui se mangent, se boivent, ensuite j'ai dit qui annulent le ramadan. Pourquoi? Parce que pour faire rentrer par exemple l'accouplement, quelqu'un qui s'accouple avec son épouse, ça ne rentre pas dans boire et manger. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a, mais ça rentre dans les annulatifs. Donc on peut dire, on peut résumer la règle en disant, tous les annulatifs du ramadan ne sont annulatifs que s'ils remplissent trois conditions. La science, le souvenir et l'intention. On va donner des exemples et expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette chose. Donc je dois très bien, je dois apprendre dans ma tête la science, le souvenir, l'intention. S'il n'y a pas la science, le souvenir, l'intention, ce que j'ai mangé, ce que j'ai bu, ce que j'ai fait n'annule pas mon siyam. Je donne un exemple. Un, la science. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si quelqu'un ignore que telle et telle chose est un annulatif du siyam et il fait cette chose, alors quoi? Alors son jeûne n'est pas nul. Son jeûne n'est pas nul. Si on va prendre un exemple là seulement, quelqu'un qui va fumer pendant le ramadan. Cher, il y a une personne qui a pas compris un passage, je vous laisse terminer. Dis-moi quel passage. Quand on a parlé de la science, le contraire de la science, c'est quoi? C'est l'ignorance. Toute personne qui ignore que telle et telle chose annule le ramadan, ça n'annule pas. Je donne un exemple. Imaginez qu'une personne, elle est surtout reconvertie, qui est une nouvelle dans la religion, on lui parle du ramadan, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut pas. Et on a oublié de lui dire que, par exemple, il faut pas fumer la cigarette. Et elle, la personne reconvertie, elle ne sait pas dans le ramadan, à chaque fois, elle prend une cigarette, la fume, et la jette, et ne mange rien, ne boit rien. Donc, après, quand on lui dit, pourquoi tu fumes? Elle dit, pourquoi je fume pas, je peux pas arrêter, etc. Mais on lui dit, mais ça annule le ramadan. Elle dit, Wallah l'adim, je savais pas. Je savais pas, je sais que, en général, la cigarette, c'est haram, pendant le ramadan ou pas ramadan. Mais, qu'elle soit une annulative du ramadan, je ne savais pas. Cette personne, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, continue à jeûner ta journée et ne rattrape pas. Pourquoi? Parce que un annulatif est annulatif, si quoi? S'il y a la science. Si tu sais, tu connais, tu sais que cette chose est annulative et tu l'as fait. Et cette personne ne savait pas. Quel est le délil? Le délil, le hadith authentique. T'as pris Esma, la sœur de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, la fille de Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anha. Elle a dit, on a mangé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une journée nuageuse. Nuageuse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il y avait des nuages, alors on a cru que le soleil s'était couché. Elle a dit, on a mangé. Ensuite, le soleil a fondu. Les nuages sentis, on a vu que le soleil était toujours là, vraiment loin de se coucher. Non. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé de rattraper ce jour. À cause de l'ignorance, ils ne savaient pas. Il croyait que le soleil s'était couché. Et cette personne aussi croyait que telle et telle chose n'annulait pas. Vous avez compris? Croyez. Ça, c'est la première condition. Il faudrait que tu saches que cette chose annule. Si tu ne sais pas et tu l'as fait, tu ne rattrapes pas le jour. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu arrêtes cette chose, tu l'arrêtes. Et tu continues la journée sans la rattraper. Donc ça, c'était quoi? La première condition qui était quoi? La science. La deuxième condition, c'est quoi? Avoir la science pour savoir que cette chose annule le jeûne. Non. Avoir la science de cette chose, comme quoi elle annule le jeûne. Si je ne sais pas que cette chose annulait le jeûne et je l'ai faite, je l'ai mangée, je l'ai bu, j'ai fait ceci, ça n'annule pas. C'est comme si une personne, je donne toujours l'exemple de reconverti. Car le reconverti, ça fait peut-être un mois ou je ne sais pas, 15 jours ou bien qu'il est rentré en islam, il ne sait pas. Imaginez qu'un couple reconverti se reconvertisse 2 ou 3 jours avant le ramadan. Et on leur explique qu'il ne faut pas manger et boire. Mais on a oublié de leur dire qu'il ne faut pas aussi s'accoupler. Et eux, pendant la journée, ils ont fait cette chose. En disant que, alhamdoulilah, on n'a rien mangé ni bu. Ensuite, on leur dit, l'islam interdit cela pendant la journée du ramadan. Mahmoud ibn Hassan, je te pose la question à toi. Est-ce que ce couple de reconvertis, on va leur dire, vous devez rattraper le jour, ou alors rattraper 2 mois, ou alors ne rien rattraper? J'attends ta réponse. Non. Ils ne rattrapent rien. Pourquoi? Car ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas la science. Ils n'avaient pas la science. Non. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Mahmoud, c'est quoi la deuxième condition? La deuxième, c'est quoi? Est-ce que tu te souviens? Alhamdoulilah. Est-ce que tu te souviens le souvenir? Donc la deuxième, c'est le souvenir. Imagine que je sache. Je sais que, par exemple, le rapport pendant le ramadan annule. Mais j'ai oublié. J'ai oublié que on était pendant le ramadan. Et j'ai fait cette chose. Est-ce que je rattrape? Je ne rattrape pas. Pourquoi? Parce que la deuxième condition, c'est de lire. Alors que moi, j'avais oublié. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Rabbana, la tu akhidna, innasina akhtana. Ya Allah, ne nous châtiez pas, par exemple, traduction rapprochée, si on a oublié. Et le hadith clair de Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, dans Sahih al-Bukhari Muslim, il a dit, quiconque a oublié, alors qu'il était en état de jeûne, ou bien vu qu'il continue son jeûne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné à manger et à boire. Subhanallah l'azim. Hadith dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Un hadith que tout jeûneur devrait apprendre parce que c'est pour toi, c'est pas contre toi. Ce hadith est pour nous. Ça, il te dit clairement que si jamais tu as jeûné et ensuite tu as oublié, tu as mangé ou bien bu, il te dit continue à quoi? C'est-à-dire arrête de boire et de manger. Quand tu t'es rappelé, arrête. Continue à jeûner. Et quoi? Il a dit, et ne rattrape pas. C'est Allah, et dans une autre version authentique, ne rattrape pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné à boire et t'a donné à manger ce jour-là. Allah ta'ala a su de toi que tu étais, par exemple, fatigué, ou bien un peu épuisé. Il t'a fait oublier pour que tu boives et que tu manges. Juste, à la rigueur, un peu pour, pour pouvoir continuer, bi'idhnillahi ta'ala. Je voulais dire ici quelque chose d'important si j'ai pas oublié. J'avais dit que dans une autre version, il a dit à la fin et on ne rattrape pas le jour. Qu'est-ce que je voulais dire dans ce hadith? Qu'est-ce que il y avait aussi une faïda? Non. Attendez. Voilà. Maintenant, on a dit que, je donne un exemple. Je suis en train de, par exemple, en train de boire de l'eau. Voilà. Souvenir. Si la personne a oublié, a commis un acte qui annule le jeûne, son jeûne n'est pas nul car il a oublié. Ça, je donne un exemple maintenant. Il fait chaud, c'est l'été. Je suis peut-être nouveau dans le siyam, reconverti, donc j'oublie. Et j'ai commencé à boire. Ensuite, j'ai par exemple un verre, j'ai commencé à boire. Je lui dis, Masha'Allah, cette limonade, elle est Masha'Allah, surtout comme ça, glacée, Masha'Allah. Ensuite, je me suis dit, Akbar, nous sommes pendant le ramadan. Qu'est-ce que je fais? J'arrête immédiatement, immédiatement, à la seconde où je me suis souvenu, j'éloigne de moi la bouteille de limonade ou le verre. Et s'il y a quelque chose dans ma bouche, il ne m'est plus permis de l'avaler. Je dois quoi? Je dois cracher ce que j'ai dans la bouche, si c'est de la boisson, si c'est de quelque chose à manger. Et je ne vais pas dire, puisque je suis excusé, car j'avais oublié, donc je continue un peu quelques bouchées ou quelques je ne sais pas quoi. Non. Si tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, à la seconde où tu t'es rappelé, tu jettes ce que tu as dans la bouche. Tu jettes ce que tu as dans la... Ça, c'est la preuve que vraiment tu as oublié. Maintenant, si tu t'es rappelé et tu ajoutes ne serait-ce qu'une bouchée, une seule fois, tu fais rentrer encore dans ta bouche quelque chose, tu as annulé ton siyam. Non. Elle dit, c'était la deuxième condition. C'est quoi la troisième condition, cher? Et l'admin m'a dit tout à l'heure qu'une personne voulait que je répète un passage. Quel passage? Le passage, j'ai pas compris, cher. Othémine a dit de la piqûre qui donne de la force, n'annule pas jeûne. Alors que jeûne. Bon, on va revenir à ça, juste pour que je termine la troisième. La troisième, c'est quoi? C'est l'intention. L'intention. Car le hadith du prophète, il a dit que. Le prophète a dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait, disons, enlevé de sa nation, c'est-à-dire, disons, il ne châtie pas pour le khata, c'est quand quelqu'un se trompe. Nisyan, c'est quand quelqu'un oublie. Ou mastukrihu alayh, et c'est quelqu'un et qui fait une chose dans la contrainte. Maintenant, si quelqu'un sait que quelque chose, telle chose est haram, ensuite, il n'a pas oublié. Deuxième condition. Il a dans la tête que telle chose est haram, il n'a pas oublié. Et ensuite, cette chose sans intention. Son siyam n'est pas annulé. Pourquoi? Ou là, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Je répète. Quoi exactement? Je répète, elle dit la troisième. Je répète la troisième. Je dis, pour que le CIM soit annulé, il faudrait aussi, yani, que j'ai l'intention de faire cette chose. Si je n'ai pas l'intention de faire telle chose, tel annulatif, même si je sais que cette chose est un annulatif, et je la fais sans intention, alors mon jeûne est toujours valide. Je donne un exemple. C'est très simple, de l'eau d'eau. Quand quelqu'un est en train de faire l'eau d'eau, tout le monde sait que pendant l'eau d'eau, si je prends comme ça dans ma main de l'eau et je le mets dans ma bouche avec l'intention de l'avaler, que j'ai annulé mon jeûne. Ça? Mais moi maintenant, je suis en train de laver ma bouche pendant les ablutions. Et tout en lavant, voilà, j'ai senti qu'il y a une gorgée d'eau qui est descendue par le gosier et est partie dans mon ventre. Est-ce que ça annule? On va voir la première condition. Il faudrait avoir la science. Oui, moi j'avais la science que cette chose annule. Le deuxième, le souvenir. Oui, je me souvenais de ne pas laisser. Mais j'ai pas quoi, j'ai pas la troisième condition pour annuler. La troisième, c'est quoi? C'est avoir l'intention d'annuler. Est-ce que moi j'ai fait exprès pour faire passer de l'eau dans mon gosier? Je l'ai pas fait exprès. Donc même s'il y avait les deux conditions, première, il n'y avait pas la troisième. Donc Si quelqu'un joue avec de l'eau ou bien quelque chose comme ça dans sa main, ensuite sans le vouloir, entre dans sa bouche et passe, yani descend dans son gosier, il n'a pas annulé son siyam. Vous avez compris pourquoi? Parce que ce n'est pas de sa faute, sans intention. Tayyib. Oui, très importante. Très importante. Le shaitan te dit que ah, tu as quand même bu, tu as ceci, tu dis mais je ne l'ai pas fait exprès. Tu dis au shaitan. Ah, tu lui dis j'ai pas fait exprès. Smahli, smahli ya shaitan. Pardonne-moi ya shaitan, mais je ne l'ai pas fait exprès. Ah, ensuite tu dis au shaitan, tu lui dis toi, du matin au soir tu ne cesses de manger, de boire et maintenant tu viens me faire des problèmes. Toi, du matin au soir tu manges tout. Ah, et maintenant tu viens me faire des problèmes à moi juste pour une goutte d'eau. Donc, alhamdoulilah, c'est une ni'ma. Si quelqu'un avale quelque chose, alors qu'il n'avait pas l'intention, ou bien mange quelque chose alors qu'il n'avait pas l'intention, alors inshallah ta'ala, que yani, il n'a pas annulé. C'est pour cela que certains ont dit, qu'il est permis, par exemple, de se brosser les dents pendant le ramadan. Ils ont dit à condition qu'il ne fasse pas exprès pour faire laisser passer quelque chose dans son gosier. Maintenant, s'il est en train de brosser, ensuite il y a quelque chose qui descend dans son gosier. Quelque chose qui descend. Est-ce qu'il a fait exprès? Il n'a pas fait exprès. S'il a fait exprès, Allah Ta'ala sait qu'il a fait exprès. Il va le châtier. Mais s'il n'a pas fait exprès, c'est descendu tout seul, donc je ne dois pas rattraper de journée, comme on vient de dire, Inch'Allah Ta'ala, maintenant. Quel est le passage que la personne a demandé que je répète, bi'idhnillahi ta'ala? Salam alaykoum. Je n'ai pas compris. Cheikh Outhaymine a dit que la piqûre qui donne de la force n'annule pas le jeûne. Alors que tout ce qui est nutritif l'est. Naam, il existe des piqûres, qui donnent de force, de la force, sans être nutritif. Sans que les piqûres soient nutritives. Naam, ça donne de la force pour pouvoir te relever, etc. Mais sans que ça soit nutritif. Le nutritif, c'est comme le sérum. Le sérum, hein, tu vas rester 2 heures, 3 heures, une journée avec le sérum. C'est comme si tu buvais et tu mangeais. Par contre, il y a d'autres piqûres. Quand tu es faible, ça te donne de la force. Naam, pour te réveiller, mais ce n'est pas nutritif, bi'idhnillahi ta'ala. Ce genre de piqûre est permis bi'idhnillahi ta'ala. Zed, tant qu'il reste quelques minutes, c'est quoi les questions aussi? On commence les questions, inshallah ta'ala. Je vais voir combien qu'il reste de temps. Combien qu'il reste de temps. Combien qu'il reste de temps? Il reste 14 minutes, c'est bien. 14 minutes, au moins 5 questions de 6, si c'est dans le siyam. Mais si c'est dans le divorce, une demi-heure, ça suffit pas. Aya Fawzi, Wasmak, Ismaël, Mahmoud, est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse le micro. Je me rappelle pas le hadith de Aïcha tout faire. Est-ce que tu peux donner son début? Voilà, je m'en doutais. Celui de Esma. Naam, ça rentre aussi car ils n'avaient pas l'intention. Ils n'avaient pas l'intention d'annuler leur jeûne. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cher, par rapport à l'encens, on aimerait bien savoir par rapport à l'encens, si par exemple on rentre dans un endroit chez quelqu'un et qu'il y a de l'encens, et que nous, à la base, on n'est pas la cause d'avoir mis cet encens, et qu'on sent cette fumée d'encens. Est-ce que le jeûne est valide ou est-ce qu'il n'est pas valide? Barakallahu fik. Je connais la réponse par rapport aux conditions que vous avez données, et d'après moi, je pense que le jeûne est valide puisque on rentre dans. En fait, si on rentre chez quelqu'un ou dans une pièce et qu'il y a de l'encens, et on a vu que l'encens rompait le jeûne, c'est-à-dire si on le sent, cette fumée rompt le jeûne car elle va dans l'estomac. Donc, je voulais savoir si est-ce que le fait qu'on respire cet encens lorsqu'on va chez quelqu'un ou ailleurs, est-ce que cela rompt le jeûne? Et moi, je pense que non, puisque ça rentre dans la troisième condition, c'est-à-dire l'intention. C'est-à-dire on n'a pas l'intention de manger. Tradalia cher, barakallahu fik. Je ne sais pas si c'est compris. Oui, exactement. Si on rentre dans un endroit où il y a de l'encens, ensuite on voit que la fumée est rentrée dans notre gosier, ça n'annule pas parce que on n'avait pas d'intention. On n'avait pas d'intention. Ça rentre dans le troisième point. Mais qu'est-ce qu'il faut? À condition de quitter le lieu. Condition de quitter le lieu, yani pour ne pas rester donc là-bas yani, voilà. Ensuite, à propos de l'encens. Tout à l'heure, quand je parlais, je disais l'encens, car ça se termine avec S. Et maintenant, toi, tu dis l'encens. Et une fois, moi, je dis. Ensuite, quelqu'un a corrigé, a dit on dit l'encens. Ensuite, maintenant, je ne sais plus si c'est l'encens ou l'encens. Reste nature 2 secondes, je vais écrire ici, même si il me paraît que c'est beaucoup plus l'encens que l'encens. Mais Khalid, nature n'a une seconde. Ah, ça dépend des. Donc j'ai écrit sur et je vais appuyer sur celui qui va nous prononcer le mot. Qu'est-ce que tu as entendu, Mahmoud? Voilà. Sans S. On passe, Inch'Allah Ta'ala, une nouvelle question. Tfadhal. Toufir ibn al-Qayyim, tu nous as mis la lune. Au mazal Ramadan, c'est loin le Ramadan. Déjà d'après toi, classe, elle est là la lune. Salam alaykoum rahmatullah barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Salam alaykoum rahmatullah barakatuh. Alhamdulillah. Cheikh, on vous pose la question, on vous demande plutôt, est-ce que vous pouvez donner des exemples sur les annulatifs du jeûne? Barakallahu fikoum, Cheikh. Fauzi, tu n'as plus le micro. Qu'est-ce qui s'est passé, Fauzi? Tu n'as plus le micro. En fait, j'avais terminé, cher. J'ai pas entendu un mot, crois-moi. Est-ce que je dois donner des exemples les plus courants des annulatifs? Est-ce que c'est ça? Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Naam, cher. C'est bien ça. Franchement, pour donner comme ça, c'est difficile. Mais le mieux serait de poser la question, est-ce que telle chose est une annulative ou pas? Mais je vous dis comme ça en général. Les annulatifs les plus connus, ce sont les trois grands annulatifs. Boire, manger, s'accoupler. Boire, manger et s'accoupler. Ce sont les trois grands. Maintenant, est-ce que telle et telle chose annule? Il faudrait me poser c'est quoi cette chose pour que je réponde bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non, donc il y a une question, Inch'Allah. Donc, le shir, peut-il nous dire quand il y a une kafara de 60 jours et quand c'est un seul jour? Car tout à l'heure, il a donné un exemple et il a dit il rattrape un jour ou 60 jours ou ne rattrape pas car il doit faire taouba. Fadal Yachir. Si c'est par rapport à quelqu'un qui a annulé son jour de Ramadan, hein, exprès, en mangeant par exemple. Non. Il, par exemple, c'est le jour du Ramadan, il sait que cette chose est annulative et il se souvient, il le fait exprès, il va boire ou manger. Celui-là, il y a trois avis par rapport à ce que comment qu'il doit faire pour se rattraper. La plupart disent il rattrape 2 mois consécutifs. Et ce n'est pas l'avis le plus juste. Car l'avis le plus juste de 2 mois consécutifs, c'est par rapport à l'accouplement. S'il n'y a pas d'accouplement. D'autres disent il rattrape seulement le jour et il a des péchés. Il a des péchés, un grand péché voire. Mais il rattrape seulement le jour qu'il a mangé. Et d'autres ont dit il a fait de grands péchés et il ne rattrape même pas le jour. Car le Ramadan est tellement important qu'il est impossible de le rattraper. Ça vient une seule fois par an, chaque jour n'est pas l'autre jour. Aujourd'hui c'est mercredi, demain c'est jeudi, vendredi, aujourd'hui c'est le 2, demain c'est 3, demain c'est 4, c'est pas les mêmes jours. Le jour qui vient, il vient une fois dans le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Par exemple aujourd'hui, nous sommes ici 8 Sha'ban 1435 de l'Hégire. Est-ce que le 8 Sha'ban va revenir? Non, il va revenir le 8 Sha'ban 1436, ensuite 1437. Donc il y a un seul jour dans le monde qui une seule fois. Donc c'est pour cela qu'ils ont dit, tu rates un jour de Ramadan, c'est pas possible de rattraper. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Faire le grand repentir. Le grand repentir avec les 5 conditions qu'on a citées plusieurs fois. Wallahu ta'ala alam. Et encore, c'est mieux si la personne rattrape le jour et en même temps fait le grand repentir. Tafadhal. Salam alaikum. Là, est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Cher, on vous demande si par exemple, souvent le premier jour de jeûne, c'est très difficile pour la personne. Et la personne elle a des maux de tête, des migraines, etc. Est-ce qu'elle mange? Et ensuite, est-ce qu'elle doit rattraper son jour? Barakallahu fikoum. Je ne sais pas pourquoi quand Fawzi parle, il y a beaucoup de coupures chez moi. C'est pour ça que je lui demande, Inch'Allah ta'ala, de répéter la question. Avant cela, je réponds à celle qui a été, qui est ici sur le texte, qui sont d'une sœur. Pour les ablutions, je n'ai pas bien entendu mettre de l'eau dans le nez. Annule-t-il le jeûne? J'ai dit, en général, quand on fait les ablutions, on bien aspirer l'eau par les narines. C'est pas on met juste comme ça, on mouille les narines. Mais on doit le nez. Vous m'entendez? J'ai dit que l'ablution, on doit exagérer pour faire aspirer ou bien asperger l'eau. On doit monter dans le nez. Sauf si quoi? Sauf si c'est le Ramadan. Pendant le Ramadan, on ne doit pas exagérer. On fait juste rentrer l'eau un peu dans le nez et on aspire. Juste, on le fait pas jusqu'à ce que ça rentre dans le gosier. Car ça peut passer. Ça peut aller au ventre. Donc j'espère que la réponse est claire, Inch'Allah. Pendant le Ramadan, attention, pas exagérer. C'est possible de dire au cheikh de ne pas employer le mot s'accoupler, car on utilise cela pour les animaux. Pour les humains, on dit plutôt avoir des rapports. Naam, jazakallahu khair. Une seconde chose, je vais vérifier. Une seconde, je vais vérifier. Il me semble qu'on. Mais maalesh, attendez, je vais vérifier ici. Alhamdulillah, bon. Je demande à Allah que c'est la personne qui a raison et pas moi. Naam, la raison. Personne n'a raison. Baoufia, la personne que j'ai écrit ici, accouplé. Il m'a dit joindre deux choses ensemble, apparier le mâle et la femelle pour qu'ils se reproduisent en parlant d'animaux. Ensuite, il a dit s'unir sexuellement en parlant d'un couple d'animaux. Naam, frère, barakallahu fik. Donc, on ne dit pas s'accoupler. Salam alaikum, cher. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Cher, je reviens à la question que j'avais posée tout à l'heure. En fait, la personne, elle dit, pour les premiers jours de jeûne, parfois c'est très difficile. La personne a des maux de tête, des grosses migraines, etc. En fait, elle voudrait savoir si le fait qu'elle mange... ou qu'elle prenne un médicament par rapport à ses migraines, est-ce qu'elle doit rattraper son jour? Barakallahu fikoum. Non, elle ne peut pas continuer et que de l'entraîner mal à l'hôpital, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'elle a mangé, alors elle doit rattraper le jour bi'idhnillahi ta'ala. La même chose si elle... C'est pour ça ce qu'on a dit tout à l'heure. Si jamais tu prends un médicament, alors il vaut mieux boire et manger. Tu as rompu le jour. Hein? Tout à l'heure, beaucoup ne savent pas ça. Il va prendre les médicaments et il va dire bah, je continue. Khlas, tu as annulé ton jeûne, tu as pris le médicament. Le médicament est bien passé par ton gosier, il est dans ton ventre. Donc tu as annulé le jour. Donc autant profiter, manger et boire. Ensuite, rattraper le jour quand ce n'est pas le ramadan. Mais reste que la personne doit être vraiment sûre qu'elle est dans un état où elle ne peut pas jeûner. Maintenant, si la personne juste va avoir un petit mal à la tête, ou alors un rhume, ou un mal à la dent, ou je ne sais pas quoi, elle va dire « je vais manger », attention, ça peut devenir grave, bi'idhnillahi ta'ala. Si par contre la personne sait qu'elle ne peut pas te dire et qu'elle risque de se compliquer la chose, etc., si elle a mangé, inshallah ta'ala, elle rattrape le jour, bi'idhnillahi ta'ala. C'est maintenant Salat Isha. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans une demi-heure. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'espère, inshallah ta'ala, que les questions seront prêtes, bi'idhnillahi ta'ala, pour les faire passer vite, l'une derrière l'autre, pour que les gens profitent, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Donc, inshallah ta'ala, on commence sans perdre de temps, on a 59 minutes, bi'idhnillahi ta'ala, tfadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous avez du son, cheikh? Est-ce que le son est bon? Alhamdulillah. Je vais poser la première question. Après, Inch'Allah, le frère Mahmoud prendra le relais. Cheikh, est-ce que le fait de mettre quelque chose sur les lèvres pour éviter qu'elle ne devienne trop sèche annule le jeûne? Barakallahu fikoum. Tafadhal, Cheikh. Tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques coupures. Donc, j'ai un mot que je n'ai pas entendu dans la phrase. Si c'est possible de recommencer, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait pour le logiciel de la vidéo? le rendez-vous que tu devais prendre. Sinon, je dois poser cette question au salon. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont la connaissance de cette chose. Tfadlal. Est-ce que vous m'entendez, la chère? Est-ce que le son est bon? Alhamdulillah. Cher, par rapport au frère, Inch'Allah, il va vous contacter par WhatsApp. Inch'Allah. Il va le faire ce soir ou bien demain. Et par rapport à la question, c'était est-ce que le fait de mettre quelque chose sur les lèvres, est-ce que le fait de mettre quelque chose sur les lèvres pour éviter qu'elles ne deviennent trop sèches annule le jeûne? Barakallahu fikoum. Tafaddal, cher. Non. Donc je disais, Inch'Allah Ta'ala, avant de passer à la réponse, si le frère écrit sur WhatsApp, il doit dire que c'est de ta part. Car pour dire la vérité, sur WhatsApp et sur Viber, et même sur le courrier, vraiment, je suis dépassé. Je ne peux même pas dire ce qui est écrit, les questions qu'il y a, tellement, yani, c'est trop. Moi, je voulais dire aussi autre chose. Vous, ou bien la plupart d'entre vous, qui avez un pseudo sur Pâle, vous avez un pseudo. Il n'est pas comme le mien. Le mien, il est bleu. Donc, quand il est bleu, ça veut dire qu'il est payant. Et quand il est payant, ça veut dire que j'ai des avantages que vous n'avez pas. Le grand avantage que j'ai, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de publicité chez moi. Alors que pour vous, je sais que pour la plupart, surtout les nouveaux qui ne savent pas, il y a des fois des publicités vraiment, il y a des obscènes. Alors, quand vous devez savoir, il y a peut-être l'un des frères va passer sur la terre-là pour vous montrer qu'il y a une façon pour que yani, ça n'affiche plus les publicités chez vous. Ensuite, le temps que Inch'Allah Ta'ala, on vous montre cela, la façon la plus simple serait de quoi? C'est de cliquer sur, yani, la page Ali où c'est écrit en haut, j'apprends l'islam sur la vraie voie, salon de voie. Et je reste bien sûr, je reste en cliquant sur le bleu là, je reste en cliquant et je fais descendre yani, la page jusqu'à ce que je ne vois plus ce qu'il y a en bas. Mais je vois seulement le carré Ada où on écrit, où c'est écrit maintenant, Fawzi, Mick, après, Inch'Allah Ta'ala. Yani, c'est pour celui qui, yani, qui. La dernière solution, comme on dit. Tfadlal. En fait, Chir, par rapport pour l'explication des blocages des pubs sur Paltak, le mieux c'est de faire ça à la fin, Inch'Allah, car c'est un peu long. En fait, j'avais un lien, mais comme le site a changé, Inch'Allah, j'ai pas eu le temps de refaire un article pour que les personnes puissent bien comprendre. Et Inch'Allah, à la fin, Inch'Allah, on leur expliquera. Barakallahu fikoum, Chir. Pour la réponse à la question, quand c'est pendant le Ramadan, c'est permis de se mouiller, par exemple, quoi? De se mouiller les lèvres. Si on sent que c'est vraiment devenu sec. Hein, sec, au point où on ne peut plus bouger les lèvres, où on ne peut plus parler, c'est permis de prendre, par exemple, quelque chose de mouillé, un gant, par exemple, mouillé, et de se mouiller les lèvres. C'est permis même, plus que cela, c'est permis de mettre l'eau dans la bouche et de cracher. C'est mieux que de se mouiller seulement les lèvres. Puisque c'est permis de faire les ablutions. Dans les ablutions, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres l'eau dans ta bouche et tu craches. Donc, toi aussi, si tu as vraiment la bouche qui est sèche, mets un peu d'eau dans ta bouche et crache. Et subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Non, je sais que dans le frère. Donc, prochaine question, Inch'Allah. Une sœur demande. En France, les journées de jeûne sont longues, de 4 h du matin à 22 h du soir. Et donc, je voulais savoir si l'usage de médicaments qui coupent l'appétit, coupent faim, sont autorisés si on les prend avant le fajr, donc avant que le jeûne commence, afin de mieux supporter la journée de jeûne. Barakallahu fi. Tfadhal ya cheikh. Non, il n'y a aucun mal en cela. Le mohim, c'est que tu ne manges pas depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Ce que tu as pris avant cela, c'est, comme on dit, ça ne te regarde que toi. Tu es libre, bi'idhnillah ta'ala, si tu n'as pas pris quelque chose de haram. Non. Et aussi, il faut s'aider avec quoi? Il faut s'aider aussi avec le fait de bien manger. De bien manger le sahur. C'est-à-dire avant 4 heures du matin, de se réveiller pour bien manger, ça aide beaucoup. Et ensuite, on se fait oublier un peu, peut-être en dormant un peu. Non, quand on a vraiment la tête qui tourne, ou bien je ne sais pas quoi, malice de se reposer un peu, de dormir un peu pour oublier un peu. Non, à condition de ne pas dormir toute la journée. Tfadal. Non. Donc il y a le frère Fauzi qui vous demande par rapport aux lèvres si on peut mettre de l'huile. Est-ce que c'est permis de mettre de l'huile? Donc je vois pas ce qui tant que ça rentre pas dans l'estomac. Frère Inch'Allah, cher, si vous pouvez apporter plus de précision par rapport à l'huile. Est-ce qu'on peut mettre de l'huile sur les lèvres? Très dans les chers. On met de l'huile sur les lèvres, ce n'est pas interdit. À condition quoi? Que je sois sûr que je ne vais pas, ça va pas entrer dans mon gosier. Vous connaissez maintenant la règle. La règle, c'est quoi? C'est que rien ne doit descendre dans mon gosier. Si c'est au niveau des lèvres et de la bouche, ce n'est pas interdit. C'est pourquoi, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le hadith est authentique par Cheikh Al-Albani, cet athar. Naam, Cheikh Al-Albani rahmoullah a dit que c'était authentique. Que quoi? Qu'il a dit ou bien qu'il faisait, non, que c'est permis de goûter même le manger. Je suis en train de préparer le manger et je ne sais pas maintenant si c'est salé, par exemple, si j'ai mis du sel ou j'ai pas mis. Si tu n'as pas mis du sel, c'est grave. Parce que même quand le plat, là, la cuisine ou là, sera prête, tu vas mettre du sel, ça va pas être comme il fallait mettre le sel au début. Avant que ça se prépare. El-Mohim. Tant que c'est permis même, si la personne a peur qu'elle n'a pas mis du sel ou je ne sais pas quoi, de goûter et de jeter. De goûter avec la lèvre et ensuite de jeter ce qu'on a goûté, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. L'essentiel dans tout cela, c'est quoi? Que ça ne descende pas dans le gosier et le ventre. Tfadal. Non, je vous adore les chers. Prochaine question. Question d'une sœur qui demande, je suis actuellement en fin de grossesse et je ne saurais pas jeûner ce mois béni. Est-ce que je peux remettre mes jours en argent ou faut-il que je les jeûne? Et je dois encore 10 jours du Ramadan de l'année passée. Que faut-il que je fasse? Jazakallahu khair, ya cher. Pour ce mois, inshallah ta'ala, elle n'a pas le jeûner à cause de la grossesse, donc elle doit, inshallah ta'ala, nourrir autant de jours qu'elle a mangé. Si le mois c'est 30 jours, elle nourrit 30 pauvres. Si le mois c'est 29 jours, elle nourrit 20 pauvres. Et ce n'est pas obligé de les nourrir tous à la fois, bien sûr. Quant aux 10 jours qu'elle a comme dette, elle n'a pas précisé. Si ce sont des dettes aussi de grossesse, alors dans ce cas, elle doit nourrir autant de jours qu'elle a mangé. Ou si c'est les dettes des menstrues, dans ce cas, elle doit les rattraper. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadl. Naam, barakallahu fik ya cheikh. Donc, prochaine question. Question d'une sœur qui demande, puis-je savoir si le maquillage annule le jeûne ou les crèmes pour le visage? Donc, je pense que ça doit être à la maison pour le maquillage. Barakallahu fikoum. PS, cher, je vous ai envoyé un email concernant un conseil. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, ça, je vous enverrai le pseudo, cher. Donc, la question, c'est, puis-je savoir si le maquillage annule le jeûne ou les crèmes pour le visage? Tafadhal, cher. Ni les crèmes, ni le maquillage n'annulent le siyam. Ni les crèmes, ni le maquillage n'annulent le siyam. On va revenir à la règle. Est-ce qu'en mettant le maquillage ou bien les crèmes? Est-ce que j'ai mangé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans mon gosier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est passé dans mon ventre? Il n'y a rien de tout cela. À la maison, bien sûr. Il n'y a rien de tout. Même si c'est à l'extérieur, même si c'est le maquillage pour sortir à l'extérieur. À l'extérieur, ça n'annule pas le jeûne. Qu'est-ce qu'on a? On a fait un péché, ou un grand péché peut-être, pour yani, s'être maquillé et sorti dehors. Mais ça n'a pas de relation avec le jeûne. Car beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, croient que par exemple, le parfum annule le jeûne, le maquillage annule le jeûne, si je fais une médisance, j'annule le jeûne. Alors tout ça, c'est pas vrai. Le jeûne, c'est il faut ni boire, ni manger, ni avoir de rapport. Non. Maintenant, ce que tu fais, autre chose, ça n'a rien à voir avec le jeûne. Si c'est haram, tu as des péchés. Si c'est halal, c'est halal. Tfadlal. Je précisais pour la maison, parce que vu que certains guignols font maintenant des montages de vos paroles, donc j'ai préféré le stipuler. Tfadalachir. C'est bien ce que tu as dit, Malish. Et des fois, quand tu prends le micro, je me rappelle des choses, je te demande le micro. Ça ne veut pas dire, Yannick, que tu dois arrêter de parler et me le donner à la seconde. Non, peut-être que tu as quelque chose à dire, tu termines la chose et tu me donnes le micro. Malish, je me cache mouchkil. Ça m'a rappelé une chose, Naam. Parce qu'il y avait la fin de la question, c'était quoi? C'était quand elle a dit qu'elle a envoyé un mail et c'était propos de conseil, etc. Je dis, je viens de le dire. Vraiment, vous devez m'excuser car je suis dépassé. Je suis dépassé dans les mails, dans le WhatsApp, dans le Viber et dans tout ce que vous voulez. Et pour que vous sachiez encore une chose, et peut-être vous l'avez remarqué, ceux qui ont l'habitude de me téléphoner savent maintenant que ça fait une semaine, personne ne peut me téléphoner. Pourquoi? Car j'ai bloqué les appels. J'ai bloqué les appels, comme ça, je peux rester un peu et reposer un peu et méditer un peu et savoir qui je suis, où j'habite, où je vais, qu'est-ce que je dois faire, je ne dois pas faire. Donc c'est pour cela que maintenant personne, bi'idhnillah ta'ala, ne peut me contacter sur téléphone, sauf bien sûr si quoi? Sauf si c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un de très proche qui a besoin de moi et j'ai besoin de lui. Al-Muhim, qu'est-ce que je voulais dire aussi autre chose? Non, je voulais dire aussi autre chose. Il arrive des fois que des gens m'envoient sur le courrier. Et ils envoient 2, 3 mois, 4 mois, ils n'ont pas de réponse. Ou même sur le WhatsApp, même sur le Viber. Et il arrive qu'une personne, pour une fois, elle écrit, elle a la réponse. Alors, ça va faire deux choses. Elle va dire, Masha'Allah. Donc, il répond vite. Et elle va bien sûr réécrire plusieurs fois. Et d'autres vont dire, Subhanallah, nous, ça fait 3 mois qu'on écrit, il ne répond pas. Comment se fait-il que toi, il t'a répondu? Justement, j'ai choisi ou ceci ou cela. C'est parce que j'ouvre par exemple le courrier, je trouve que c'est la première lettre qui est arrivée, je clique dessus, je trouve qu'elle est très courte. Cher, est-ce que c'est possible de manger telle et telle chose? Non, c'est pas possible. Je dis, je réponds vite. Mais si c'était une histoire, voilà, avec moi, ma tante qui est partie l'an passé, avec mon grand-père qui s'est remarié avec la soeur de mon frère, je ne sais pas quoi, pour la lire et pour la terminer, pour lui répondre, il faut des heures et des heures. Vous comprenez? Donc, il faut pas s'étonner. Courte. Ici, elle est tombée comme ça vite, sous mes yeux et j'ai répondu. Non, ça peut arriver, bi-idhnillah ta'ala. Tfadlal. Naam, cher. Ça, c'est vrai, des fois on est un peu long dans nos questions. C'est que ça, il y a des frères et des sœurs, ils ont vraiment besoin de parler, vu la situation dans laquelle ils sont, et qu'Allah leur facilite. Et comprenez, cher, parce que cher est vraiment demandé, et vraiment occupé, et fait de son mieux. Wa barakallahu fik, cher. Jazakallahu khair. Donc, prochaine question, inshallah. Est-ce que le fait de manger quelques minutes avant le maghreb, en pensant qu'il est l'heure, annule le jeûne? Est-ce que le fait de manger quelques minutes avant le maghreb, en pensant qu'il est l'heure, annule le jeûne, puisque notre intention n'était pas de manger avant le maghreb, mais par erreur? Nous l'avons fait. Barakallahu fik, cher. Mahmoud Bintala, réponds à ma place et j'entends. Réponds à ma place si tu as assimilé le cours de tout à l'heure et j'entends Inch'Allah Ta'ala pour te corriger si tu te trompes. Tfadlan. Inch'Allah, je vais répondre. Donc, le cheikh nous a donné trois conditions. La première était le ilm, la deuxième était l'oubli, et la troisième était l'intention. Donc là, l'intention n'était pas de manger avant le maghreb, Donc son jeûne est valide. Wallahu a'lam. Tafaddal ya cheikh. Jazakallahu khairan. Donc vous voyez, vous avez compris la règle, inshallah ta'ala. Donc je pense que cette personne, Allah ta'ala alam, n'était pas présente au début du cours. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Deux choses. Il y avait l'intention de manger. Et la première, il n'y avait pas la science. Elle ne savait pas que quoi? Maghreb. Elle croyait que c'était le Maghreb. Donc dans ce cas, elle ne rattrape pas. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadla. Donc, cher, on me demande une petite précision par rapport à la question de la sœur qui est enceinte, qui demande si elle devait rattraper ses 10 jours et ainsi de suite. Et là, on me demande une précision par rapport si une sœur avait ses lochis pendant ce mois, pendant le mois, après l'accouchement, pendant le mois du Ramadan. Que doit-elle faire? Soit rattraper, soit payer. Tafadhal ya cheikh, jazakallahu khair. Alors apprenez aussi la règle ici, les monstrues et les lochis, jamais, jamais on ne peut nourrir un pauvre à leur place. Chaque femme qui a les monstrues doit rattraper après les monstrues. Et chaque femme qui a les lochis, doit rattraper naam, après les lochis, bi'idhnillah. Tfadla. Naam, jazakallahu khair ya cheikh. Prochaine question qui dit: il y a des sœurs qui prennent des cachets pour ne pas avoir leurs règles pendant le Ramadan. Est-ce permis? Et aussi, je suis converti et je ne connais pas beaucoup de sourates. Alors, est-ce que lorsque je prie Tarawih, je peux lire les sourates? Qu'est-ce qui est le mieux, réciter les petites sourates que je connais par cœur ou les lire? Je pense que elle veut dire les lire sur le Mus'haf. Tafadhal ya cheikh. Pour ce que prennent les femmes comme cachets, médicaments et pilules, etc., pour arrêter les menstrues et pouvoir jeûner, Cheikh Ibn Uthaymin, ou alors pouvoir aller à Umrah, à Hajj, Cheikh Ibn Uthaymin, et je pense la plupart des savants, on dit que c'était permis, Inch'Allah. Quoique le mieux serait d'être naturel. Le mieux serait d'être naturel. Mais si une femme dit, par exemple, moi je voudrais faire ça, pour jeûner avec tout le monde, c'est permis, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, comme c'est l'habit de Cheikh Ibn Uthaymin et beaucoup d'autres. Quand une personne prie des tarawih, hein, ou bien elle lit des solats qu'elle connaît dans sa poitrine, ou bien, certains ont dit, c'est permis de prendre un livre et de lire du livre. C'est permis de prendre un livre et de lire du livre, à condition que ce soit dans la maison, pas dans la mosquée, car dans la mosquée, on doit suivre et entendre celui qui est en train de lire pour nous. Mais si maintenant c'est moi qui prie à la maison et c'est nafila, je peux prendre le livre, même si ce n'est pas la meilleure chose, mais je peux prendre le livre ou alors le mettre en face de moi sur quelque chose de haut, je le pose devant moi, et j'en lui et je lis. Et quand c'est le moment de m'incliner, je me pousse un peu à gauche ou un peu à droite pour m'incliner. Et ensuite, la même chose quand je me relève de la prosternation, je me mets devant et je lis. Et ensuite, quand je dois tourner la page, je la tourne. Il n'y a aucun problème, inshallah ta'ala. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari que Aïcha radiallahu ta'ala anha avait un valet qui l'a guidé dans la prière. Dans la prière, et il lisait du livre. Il lisait du livre. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Naam, cher, désolé d'avoir mis un peu de temps, c'est qu'on me demande en PV. Donc, il y a le frère qui demande, est-ce que cher précisait une chose concernant la personne qui rompt le jeûne avant le Maghreb, car il doutait que l'heure était rentrée, contrairement à celui qui l'a rompu par erreur en étant sûr que l'heure était rentrée. Donc, il demande de préciser une chose concernant la personne qui rompt le jeûne avant le Maghreb, car il doutait que l'heure était rentrée, contrairement à celui qui l'a rompu par erreur, en étant sûr que l'heure était rentrée. Un avait le doute et l'autre était sûr que l'heure était rentrée. Tfadhal ya cheikh. Celui qui a douté n'avait pas le droit de rompre. Tu n'as pas le droit de rompre jusqu'à ce que tu sois sûr que c'est le Maghreb. Tu n'as pas le droit de rompre le jeûne jusqu'à ce que tu sois sûr que c'est le Maghreb. En regardant le soleil qui s'est couché, en entendant l'adhan du Maghreb, en téléphonant à quelqu'un, tu lui dis est-ce que c'est le Maghreb, il te dit oui, classe, on a déjà mangé et j'habite devant la mosquée, j'ai entendu tout à l'heure l'adhan. Mais si tu doutes, tu attends jusqu'à ce que tu sois sûr. Donc celui-là, il rattrape. Et celui qui ne doutait pas que c'était Maghreb, alors que c'était pas Maghreb, il s'est trompé. Celui-là, il rattrape pas. Bi-idhnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadhal. Naam, donc le frère Faouzi a eu une coupure, donc ne vous inquiétez pas, il va venir chercher vos questions. C'est pas la peine de venir me voir en PV. Barakallahu fikoum. Donc, prochaine question. Un frère qui a subi de nombreuses opérations au pied et qui ne guérit pas et va sûrement devoir se faire amputer, Allahumma yashfi, demande s'il peut envoyer de l'argent pour nourrir des pauvres dans son pays d'origine qui est un pays musulman, musulman, sachant qu'il ne peut pas jeûner à cause des médicaments qu'il doit prendre matin, midi et soir et qu'il doit manger pour pouvoir les prendre. Tafaddal ya cheikh. En principe, la règle, c'est qu'on fait nourrir les pauvres du pays où on habite. C'est ça la règle. Mais il est permis, malgré cela, d'envoyer de l'argent aux pauvres dans un autre pays pour qu'ils soient nourris. Pour deux raisons, par exemple. La première, il n'y a pas de musulmans là où j'habite. Ou alors la deuxième, il y a des musulmans, mais ceux qui sont dans notre pays sont plus nécessiteux que ceux qui sont dans mon pays. Ou alors, ceux qui sont dans notre pays, par exemple, il y a un autre lien avec eux. À part le lien de l'islam, il y a, par exemple, le lien de la famille. Par exemple, j'ai mon oncle qui est dans un autre pays musulman, nécessiteux. C'est mieux de donner à qui? À mon oncle ou à un étranger? Mon oncle, c'est mieux. Vous avez compris? Donc, tout cela à condition que lorsqu'il envoie l'argent, ce n'est pas pour que il se distribue de l'argent entre eux. Mais ils doivent acheter yani, la nourriture pour manger. Leur payer de la nourriture. C'est pas qu'ils leur donnent de l'argent, ils leur disent yani, allez, yani, faites ce que vous voulez avec cet argent. Tfadal. Naam, donc cher, on me demande une petite précision par rapport, par rapport au Luchi. Luchi, on me dit. Alors. On me dit, vous pouvez demander si on a nos louchis, mais en même temps, on allaite, quelle règle applique-t-on? Celle des louchis, rattraper ou la rattraper, ou la règle de l'allaitement compensé? Compensé en nourrissant un pauvre. Donc, Cher, est-ce que vous pouvez donner cette précision? Quand tu as commencé à parler de louchis, savais, j'ai deviné la réponse. J'ai deviné plutôt la question que tu allais parler de celle qui a l'être ça que j'ai écrit avant que tu dises la question. Dans ce cas, il arrive que une femme ait les louchis, en même temps elle allait. Elle allait. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si elle allaitait seulement, dans ce cas quoi? Elle peut ne pas rattraper mais nourrir les pauvres. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle a? Elle a les louchis. Ce sont les lochis qui l'ont, yani, ce sont les lochis surtout qui l'ont quoi? Qui l'ont, comment dirais-je? Qui l'ont manaouha? Qui l'ont, je trouve pas le mot en français. C'est à cause des lochis qu'elle n'a pas quoi? Qu'elle n'a pas jeûné. Même si c'est aussi à cause de l'allaitement. Mais, en tous les cas, les lochis, c'est plus fort. C'est plus fort que l'allaitement. C'est pour cela que donc, elle doit rattraper les jours, même si elle allait pendant les louchis. Par contre, si elle allaitait pendant le ramadan, elle n'avait pas de louchis, dans ce cas, elle doit quoi? Elle doit yani, nourrir les pauvres et ne pas rattraper. Voilà, l'empêcher. Barakallahu fik. Et en même temps, alaykoum salam, rahmatullah. Tfadla. Naam, jazakallahu khair, cher. Donc, Prochaine question. Juste un petit. Juste pour dire que ceux qui ont un problème pour donner leur question au frère Fawzi, qui avait leur PV ouvert avec le frère Fawzi, et que maintenant ils ne peuvent plus lui passer, allez voir le frère Smaïl. Barakallahu fikoum. Donc, prochaine question. Je suis en grossesse, je ne compte pas jeûner durant ce mois de Ramadan, de crainte de causer du tort au bébé ainsi qu'à moi. J'aurais aimé rattraper mes jeûnes après l'arrivée du bébé, Inch'Allah. Et je souhaite l'allaiter exclusivement pendant 6 mois. D'après mes calculs, je n'aurai pas le temps après ces 6 mois de rattraper mes jeûnes, car l'autre mois de Ramadan viendra, Inch'Allah. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Barakallahu fik, cher Tafaddan. Afoun, je n'ai pas compris. Et quelles sont les alternatives qu'elle a? Quelles sont les alternatives qu'elle a? Parce qu'elle demande quel est le mieux pour elle. Tafaddal. Non, donc la sœur demande, elle dit, je suis en grossesse, je ne compte pas jeûner durant ce mois de Ramadan de crainte de causer du tort au bébé ainsi qu'à moi-même. J'aurais aimé rattraper mes journées de jeûne après l'arrivée du bébé, Inch'Allah. Mais je souhaite l'allaiter exclusivement pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, lui donner l'allaitement. D'après mes calculs, je n'aurai pas le temps après ces 6 mois de rattraper mes jeûnes, car l'autre mois de Ramadan viendra, Inch'Allah. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Mais je ne comprends pas, parce que si elle allait pendant 6 mois, si c'est juste après. Peut-être qu'elle va pas, elle va coucher après le Ramadan, je ne sais pas. Après, Inch'Allah, je ne sais pas si vous m'avez compris, Chir, ou je répète, dites-moi. Je vous laisse le mic. Pardon. Non, j'ai compris, j'ai bien compris. Elle va pas jeûner ce mois. Et quand elle va pas jeûner, l'allaiter aussi pendant 6 mois, elle dit. Donc d'après elle, après les louchis, etc. Donc elle va pas pouvoir rattraper, nam, après quoi, peut rattraper avant que, c'est-à-dire elle n'aura pas le temps de jeûner car l'autre Ramadan va arriver. Mais moi je lui ai dit, inshallah ta'ala, la solution est simple. Tu n'as pas, b'idhnillahi ta'ala, à jeûner. Tu as seulement à nourrir les pauvres pour les jours que tu as mangé pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlak. Donc, on va passer à la prochaine question. J'aimerais savoir quand une sœur a voulu rattraper ses jours de jeûne durant le mois de Sha'ban, mais s'aperçoit qu'il reste moins de jours de ceux qu'elle doit rattraper, est-ce que c'est trop tard pour rattraper? Elle doit faire comment? Et que c'est trop tard pour rattraper, comment doit-elle faire? Non, si c'est possible de recommencer la question, je n'ai pas bien comprise. Et si c'est possible aussi de parler un peu plus fort, ou bien d'ajouter le son au microphone. Non, je vais recommencer, mais juste je tenais à te dire. Donc c'est le frère Fawzi qui vient chercher les questions. Min fadlikum, évitez de me les envoyer car ça fait des perturbations. Barakallahu fikum. Donc je répète pour Shir, Afwan et Shir. Donc la sœur demande, j'aimerais savoir quand une sœur a voulu rattraper ses jours de jeûne durant le mois de Sha'ban, c'est-à-dire du Ramadan passé, mais s'aperçoit qu'il reste moins de jours vu que le Ramadan présent arrive. De ce qu'elle doit rattraper. Est-ce que c'est trop tard pour rattraper et que c'est trop tard à Fouane pour rattraper? Comment doit-elle faire? Comment doit-elle faire pour rattraper? Barakallahu fik, cher. Il m'a semblé que tout à l'heure dans cette question, tu as cité le mois de Shawwal. Tu parlais de Shawwal, peut-être. Maintenant, tu n'as pas parlé de Shawwal ou de Sha'ban ou là. Sha'ban. Ah, maintenant, si je comprends bien, reprends-moi si je me trompe. Donc, cette personne a des dettes, et maintenant, quand elle va commencer à rattraper, le Ramadan va rentrer, n'est-ce pas? Le nouveau Ramadan va rentrer, voilà. Donc, la règle, écoutez bien la règle, c'est une règle spéciale pour les femmes, elles doivent toutes connaître cette règle, bi'idhnillahi ta'ala. Toute femme qui a des dettes doit quoi? doit obligatoirement rattraper ses dettes avant la nouvelle venue du Ramadan. La nouvelle venue du prochain Ramadan. Obligatoirement. Maintenant, si elle laisse jusqu'à ce que vienne le nouveau Ramadan, ou bien elle n'a pas d'excuse, elle a laissé comme ça par paresse, demain, et voilà le nouveau Ramadan est venu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va jeûner le Ramadan, et après le Ramadan, elle va rattraper avec des péchés. Ou bien, elle était excusée. Elle était malade, elle était en voyage, elle était ceci, elle n'a pas pu rattraper. Dans ce cas, elle rattrape aussi après l'autre Ramadan sans avoir de péché, bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est à la sœur de voir maintenant pourquoi elle a laissé jusqu'à ce que ce Ramadan soit, yani, soit venu, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Cher Afwan, de prendre le mic. En fait, c'était pour avertir les frères et sœurs que je suis en train de récupérer les questions et réponses. Et Inch'Allah, attendez votre tour. Ça ne sert à rien d'envoyer vos questions au frère Smaïl, car c'est moi qui va gérer les questions. Et en fait, tout le monde lui envoie ses questions, les questions, et le frère, il est débordé de questions. Et en plus de ça, en fait, la liste n'est pas respectée. C'est-à-dire que le dernier peut lui envoyer sa question et passer par la suite. Voilà que là, on fait comme respecter les règles. Afwan, cher. Pas de souci, Inch'Allah ta'ala. Et quand je termine le cours et que moi je sors, Inch'Allah ta'ala, toi tu leur expliques comment on fait pour enlever les mauvaises publicités. Ou alors, si c'est pas possible cette fois, le prochain cours, quand. Entre le cours et les questions, quand je vais à la prière pour Salat l'Aïcha. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal pour une autre question. Naam, on avait bien expliqué cela, que, au fait, ceux qui avaient eu un problème de PV avec le frère Fawzi, à qui il avait bien entendu ouvert ses PV, qui passent par Smaïl, mais pas de donner vos questions tous au frère Smaïl. Donc, veuillez suivre les règles. Barakallahu fikoum. Parce que c'est très difficile pour nous après de suivre. Donc, on va passer à la prochaine question, Inch'Allah. J'ai un problème de thyroïde, et je suis enceinte. Le médecin m'a demandé de ne pas jeûner. Si j'en suis capable, puis-je jeûner ou dois-je prendre l'avis de mon médecin? Tafaddal Yachir. Il y avait des coupures. Est-ce que tu as dit que le médecin lui a dit de ne pas jeûner? Est-ce que tu as dit ça? Oui, non. Si le médecin qui a dit ça est musulman. Pourquoi? Parce que le médecin qui n'est pas musulman ne donne pas d'importance au siyam. Pour lui, il te dit c'est quoi ce siyam? Il n'y a pas de siyam. Tu es malade. Non. Donc, Inch'Allah ta'ala, si le médecin est musulman, il sait que ça veut dire le siyam, et quand même il t'a dit de ne pas manger, il t'a dit de ne pas jeûner, il ne faut pas jeûner. Maintenant, même si c'est un médecin kafir, mais c'est un spécialiste en la matière, et c'est quelqu'un de, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, un mine, c'est-à-dire quelqu'un qui fait son travail scrupuleusement. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche seulement l'argent, mais quelqu'un qui travaille, il a la conscience, l'âme, qui ne doit pas tricher avec les gens, etc. Et que tu sens que ce qu'il a dit est vrai et sérieux, que tu ne dois pas jeûner, dans ce cas, tu ne dois pas jeûner. Donc c'est pour cela qu'il faut revoir le jeûne. Ce n'est pas grave. S'il dit non, ce n'est pas grave, c'est juste pour bien se maintenir et ceci, cela, tu jeûnes. Mais s'il dit non, si tu vas jeûner, c'est grave, dans ce cas, il ne faut pas jeûner. Et je conseille, moi, je donne un conseil, je fais toujours comme ça. Je conseille de voir un autre médecin pour comparer entre les deux. Pour comparer entre les deux, est-ce qu'ils disent la même chose? Est-ce que le premier a raison de ce qu'il a dit? Non. Wallahu ta'ala alam. Mais bien sûr, vous savez, la meilleure des choses, c'est de jeûner, bien sûr, quand on n'a pas d'excuses ou bien on n'a pas un mal qui est vraiment grand. Parce qu'après, tu vas te trouver seul, tout le monde a jeûné et c'est difficile à rattraper. Tfadhal. Donc, prochaine question, question d'une sœur qui demande, mon jeûne est-il annulé si en cuisinant je goûte au plat que je suis en train de préparer pour savoir s'il faut que j'ajoute un ingrédient ou non et qu'il n'y a personne sur qui je peux compter pour goûter mon plat? Donc, Cher avait dit dans le cours que non, on pouvait goûter au plat. Et en rapport au cours dernier, Cher, puis-je jeûner un samedi seulement si c'est dans l'intention de rattraper un jour obligatoire manquant à mon jeûne et non à un jeûne surrogatoire. Donc, est-ce qu'elle peut jeûner un samedi si c'est un jour qui manquait dans son ramadan passé? Voilà, pour vous faire un cher fatal. Par rapport à goûter, s'il manque un ingrédient ou quelque chose, naam, goûter c'est permis à condition que, comme j'ai dit tout à l'heure, goûter avec la langue. Car il est possible que je dise oui, c'est permis de goûter, et la personne croit que goûter, c'est-à-dire c'est juste faire passer juste une petite cuillère et aller dans le ventre, c'est juste une petite cuillère. Non, si c'est goûter par la langue, c'est permis. Par la langue, avec la langue. Ensuite, je jette de ma bouche sans rien avaler. Si c'est comme ça, c'est permis, inshallah ta'ala. J'ai cité le hasard de Abdullah ibn Abbas que Cheikh Al-Albani a dit authentique, bi'idhnillahi ta'ala. Reste la fin de la question. La fin de la question, c'était, est-ce que c'est possible de m'écrire un mot? Car j'ai oublié. Samedi, na'am. Le hadith est clair. Il a dit, ne jeûnez pas samedi, sauf, yani, fima ftourida alaykoum, sauf si c'est un jour obligatoire. Donc pour toi, c'est un jour obligatoire, donc tu peux le jeûner, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadhal. Non, donc prochaine question qui demande Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Une sœur de France enceinte ne souhaite pas faire le ramadan car elle craint pour son futur bébé, inshallah. Elle souhaite donc savoir si pour la compensation de son jeûne, elle doit directement nourrir un pauvre en lui donnant un repas tous les jours ou peut-elle lui donner l'équivalent de 29 ou 30 repas, soit un par jour ou son équivalent en argent. Est-elle dans l'obligation, Naam, de rattraper ses jours? Il demande, veuillez nous éclairer à ce sujet, cher Onin. Le cher a répondu plusieurs fois à cette question. Et cher, je vous laisse le mic. Pardon. Mahmoud, résume-moi les deux questions en deux mots. C'est quoi les deux questions? Non, cher. Donc, la sœur craint pour son bébé, elle est enceinte et elle demande est-ce qu'elle peut compenser par le paiement ou rattraper plus tard? Et subhanallah, la deuxième question. Ou tout donner d'un coup, c'est-à-dire l'équivalent de 29 ou 30 jours en argent ou par repas? Est-ce qu'elle est dans l'obligation de rattraper ses jours? Afin de chier, tfadda. Alaykoum salam. Cette question est un peu drôle, car elle contient pour moi comment dirais-je, quelques contradictions. Car, donc elle va nourrir des pauvres. Et de l'autre, elle demande si elle doit rattraper. Donc si je nourris des pauvres, ça veut dire que je ne vais pas rattraper. On ne peut pas faire les deux à la fois. Donc ou bien je nourris, ou bien je rattrape. Et ce n'est pas à moi de choisir. Ce n'est pas à moi de choisir. Je dis, j'ai des dettes, je vais voir. Est-ce que je vais nourrir ou je vais rattraper? L'oshi, ou bien les menstrues, elle doit rattraper. Si c'est l'allaitement et la grossesse, elle a la permission de quoi? De nourrir des pauvres au lieu de rattraper. Si elle veut rattraper, elle peut. c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Mais si elle ne veut pas rattraper à cause de la grossesse et de l'allaitement, et elle dit je vais faire nourrir des pauvres, elle a la permission. Il y a un hadith clair en ce sens, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'avis d'Abdullah ibn Abbas, c'est l'avis le plus juste, bi'idhnillahi ta'ala. Reste une chose, une personne qui va allaiter ou qui est enceinte, et elle a peur pour elle ou pour son bébé, elle va dire je vais manger le mois de Ramadan. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut yani, nourrir au lieu de rattraper. Maintenant, si elle va nourrir, elle sait qu'elle va manger un mois. Est-ce qu'elle peut donner un mois d'avance, par exemple, à quelqu'un pour manger? N'a l'argent. Elle lui donne pas de l'argent. Elle lui donne l'équivalent yani, de ce qu'il va manger pendant un mois. Par exemple, 5 kilos. Je donne un exemple, c'est tout. Par exemple, 5 kilos de lentilles, 5 kilos de riz, 5 kilos de... Qu'est-ce qu'il y a encore qui ressemble à ces choses-là? D'haricots. Et comme ça, yani, pour que je sois sûr qu'il puisse manger pendant 30 repas. Mais à condition aussi, là j'ai oublié une deuxième condition très importante, à condition que ça ne soit pas à la même personne. Car Allah Ta'ala t'a demandé de nourrir autant de pauvres que les jours que tu as mangé. Si j'ai mangé 10 jours, je dois quoi? Je dois nourrir 10 pauvres. Et ce n'est pas je dois nourrir un pauvre 10 fois. Il y a une grande différence. Mahmoud, est-ce que c'est clair? Je n'ai pas le droit de faire manger le pauvre de suite. Il a le droit. Vous avez compris ça? Mahmoud, est-ce que c'est clair? Si j'ai... Ça coupe. Non. Il y a eu des coupures, la fin. Ça y est. Et maintenant, s'il n'y a pas de coupure, dites-moi s'il n'y a pas de coupure, maintenant je parle. Alhamdoulilah. Si j'ai par exemple 20 jours à rattraper, je n'ai pas le droit de nourrir une seule personne pendant 20 jours. Mais je dois faire nourrir 20 pauvres différents. Vous avez compris? Si j'ai 10 jours à rattraper, je n'ai pas le droit de faire manger une personne pendant 10 jours. Mais je dois chercher 10 pauvres qui doivent manger. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est clair? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Les savants disent, sauf dans un cas. Quel cas? Si vrai un pays où il n'y a pas de musulmans, et où là dans une ville où il n'y a qu'un seul pauvre. Un seul pauvre, il n'y a pas d'autre. Non. Tfadlal. Non, ma chère, c'est très clair. Donc, on ne peut pas nourrir la même personne pendant 10 ou 15 jours, mais on doit nourrir 15 personnes différentes. Barakallahu fika, chère. Donc, prochaine question. Assalamu alaikum. Je vais bientôt faire la hijra, inshallah, et j'ai peur de la retarder car j'ai pris l'habitude de vivre en France. De plus, certaines personnes, dont mes parents, me mettent des doutes sur l'obligation de la hijra. Et ils disent qu'en France, il y a des bons hôpitaux, du travail, etc. Est-ce vrai que c'est dur de laisser tout ça derrière soi? Et c'est vrai, Afouane, et c'est vrai que c'est dur de laisser tout ça derrière soi. Pouvez-vous me remotiver pour la hijra, Yashir? Et j'ai remarqué souvent les personnes qui démoralisent ou qui démotivent pour la hijra, ils utilisent toujours les mêmes choses. Les hôpitaux, le travail, et ainsi de suite. Alors que, alhamdoulilah, le travail... Je pense qu'ici, il y a plus de travail qu'en France, surtout en ce moment. Fadal Yachir. Je dis, celui qui a vraiment l'intention de la hijra, des choses pareilles. Non, je ne suis pas en train de parler de la sœur qui a dit ça ou du frère. Non, je suis en train de parler en général. Celui qui veut faire la hijra pour Allah, tout devient petit à ses yeux. Il n'y a ni hôpitaux qui sont meilleurs, ni RSA, ni RMI, ni RFA, ni RDA, ni RSC, ni RPK, il n'y a rien. Non. Ce qu'il y a, je vais faire la hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala va m'ouvrir ses portes là-bas. M'ouvrir ses portes là-bas, bi'idhnillahi ta'ala. Il n'est pas interdit quand je serai là-bas. Dans le pays. revenir pour me soigner, par exemple, si les soins sont mieux ici. Venir pour faire une opération ici, si l'opération est mieux ici. Non, mais moi, je pars pour la hijra, pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation pour moi. Il va m'ouvrir ses portes, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non, tfadl. Jazakallah khair ya cheikh. Donc, prochaine question qui est un petit peu longue. Je voulais savoir s'il était autorisé d'acheter des articles contrefaits, c'est-à-dire des imitations d'articles de marque, si on sait à l'avance qu'il s'agit d'imitations. Le vendeur le signale avant l'achat pour qu'il n'y ait pas de tromperie. Et ces choses sont pour un usage personnel, pas pour les revendre. Il m'arrive d'acheter des vêtements ou bijoux ou cosmétiques qui sont des copies de marques célèbres. Ces articles ont l'apparence, le logo, l'emballage de grandes marques, mais ne sont que des imitations. Car cela me coûte moins cher et tout en sachant que ce sont des imitations lorsque je les achète. Je les garde pour moi, je ne les revends pas et je ne cache pas le fait que ce soit des imitations si on me le demande. J'aimerais savoir si cela est licite. Je sais qu'en Algérie, par exemple, il n'y a pratiquement que des articles qui sont des imitations de marques. Pour résumer, avons-nous le droit d'acheter des imitations d'articles de grandes marques en sachant que ce sont des simples copies et ceci pour un usage à fin personnel? Ça va bien cher. L'essentiel dans tout cela, c'est autre chose. C'est quoi cette chose? C'est est-ce que la marque elle-même, la vraie, supposons, si on va donner un exemple, supposons on parle de Adidas ou bien dans le parfum. Est-ce que l'Adidas ou le Christian Dior, qui est la société, est-ce que elle accepte, yani, c'est contrefaçon. Jamais. Là, c'est interdit. C'est haram. C'est interdit, c'est haram. Voilà, elle met au tribunal. C'est interdit, c'est haram. Tu ne dois pas acheter. Tu ne dois pas acheter. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Voilà, c'est la réponse. Tu as pris quelque chose et acheté quelque chose qui n'appartient pas à celui qui te l'a vendu. Et celui qui te l'a vendu, si on l'attrape, on le met en prison. Et normalement, celui qui a acheté aussi, il va aller en prison, normalement. Parce que déjà, ça a un nom dans la loi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce que tu as aidé l'autre à ce que quoi? À ce qu'il fasse la contrefaçon. Car si toi tu n'achètes pas, et moi j'achète pas, et personne n'achète, il ne va plus faire la contrefaçon. Non. Et aussi parce que si c'était toi qui avais la société Adidas ou bien Christian Dior par exemple, tu n'aurais jamais accepté que quelqu'un fasse quelque chose qui ressemble à ton produit et le vende. Jamais tu n'accepteras. Jamais. Non. Tfadl. Naam, naam, c'est clair. Donc ils sont poursuivis et il y a même une brigade qui s'occupe de cela et ils sont mis au tribunal. Ils sont payés, d'ailleurs cette brigade est payée par les grandes marques pour chasser ceux qui font les imitations. Donc on va passer. Et en France d'ailleurs, si on rentre avec des imitations, on passe la douane, on a une grande amende et tout est saisi et tout est déchiré et ainsi de suite. Voilà. Donc on va passer à la prochaine question. Question d'une sœur qui demande: j'aimerais savoir, Inch'Allah, si c'est légiféré pour une personne d'accomplir le Hajj pour une personne décédée qui n'a pas pu le faire, barakallahu fikoum. PS, cher, vous ne m'avez toujours pas donné la réponse concernant le sujet des extraterrestres, si le fait de croire en leur existence fait de la personne un mécréant. Je patiente encore, Inch'Allah, barakallahu fik, cher, fadal, cher. Allez, l'histoire des extraterrestres, le début de la question. C'était quoi le début? Quoi? Hajj, naam. Voilà, Hajj pour un décédé, c'est permis, inshallah ta'ala, à condition que le décédé, rahimahullah ta'ala, bien sûr, soit musulman, etc. et que lui aussi, yani, c'est quelqu'un qui avait l'intention. Vous avez compris? Il y a des personnes qui, lorsqu'elles étaient vivantes, tu leur dis, par exemple, papa ou bien mon oncle ou bien pourquoi tu ne vas pas au Hajj? Il te dit jamais, jamais je ne mettrai les pieds à la Mecque. Moi, je préfère aller à où? Je préfère aller aux États-Unis, ou bien en Italie, ou bien je ne sais où. Comment s'appelle la ville Las Vegas, etc. Comment s'appelle la ville en Espagne, il y a de l'eau, ils habitent sur l'eau, etc. Comment ça s'appelle? Ibiza, Venise, voilà, Venise. Il dit, moi, je vais à Venise passer de belles jours, de beaux jours et de belles nuits, etc. Celui-là, si tu vas à la place à son Hajj, ça ne compte pas. Et ce n'est pas accepté parce que lui-même, s'il était vivant, quand il était vivant, il a dit, je veux pas y aller. Mais si une personne, par contre, voulait y aller, elle est morte, si quelqu'un veut faire le Hajj à sa place, c'est mieux, bi'idhnillah. Comme dit Cheikh Al-Albani, si c'est quelqu'un de proche, car Cheikh Al-Albani ne permet pas que, sauf si c'est quelqu'un de proche, comme dans le hadith de Shubruma, radiyallahu ta'ala anhu. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Tfadhal. Cher, vous avez oublié pour les extraterrestres. Fabel du cher. Pour les extraterrestres, ce n'est pas une question de mécréance ou pas de mécréance. Non. Surtout si il est nouveau dans le dîn ou a beaucoup, beaucoup lu ou vu les films de science-fiction et comme quoi il y a des extraterrestres qui sont venus et qui viennent et des soucoupes volantes et que de temps en temps on voit yani, quelque chose qui tourne dans le ciel, etc., etc. Donc il reste influencé, il dit peut-être il y en a, peut-être il n'y en a pas. Il ne devient pas mécréant, ça n'a pas rapport avec la mécréance. Mais je lui dis et lui confirme, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, que yani, il n'y en a pas. Je lui confirme, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce que Allah ta'ala a cité. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et dans un hadith authentique, il a dit, les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de feu, et Adam a été créé de ce qui vous a été cité dans le Coran. Donc il y a ces trois. Il y a le djinn, et il y a les anges, et il y a l'être humain. Celui qui dit il y a un quatrième doit ramener une preuve. Ah. Si tu veux dire par extraterrestre, il y a des djinns qui vivent sur Mars ou je ne sais où, je ne sais où, c'est pas grave. Mais si tu veux dire par là que il y a yani, des hommes, des êtres, mais qui ne nous ressemblent pas et qui sont je ne sais où et qui viennent avec des soucoupes volantes, etc. Tout cela, c'est le domaine de la science-fiction et des films. Les films d'Hollywood, bi'idhnillah ta'ala. Naam, tfadhal. Non, cher, donc, prochaine question, cher Subhanallah Adim, c'est quelque chose que j'avais discuté avec vous la dernière fois. On avait discuté, je vous en avais parlé en PV, et la question arrive, parce que je m'en doutais qu'il y a quelqu'un qui allait la poser, et c'est très très bien. J'ai lu récemment que les calendriers qu'on utilise pendant le mois de Ramadan, n'était pas tout à fait correct par rapport aux horaires. Le problème étant par rapport au calcul des degrés. Les savants préconisant 17 degrés pour le fajr et 18 pour le isha. Cela allonge le temps de jeûne. Que doit-on faire par rapport à ceci? Doit-on continuer sur les horaires qu'on prend d'habitude, ceux de l'UEF? Et plus haut, le lien du site. Hein, d'accord. Donc, quoi d'autre? Et que au fajr, le fajr aussi, aux horaires de maintenant. Donc, cher, que doit-on faire, à part vérifier en bord de mer, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Parce que c'est pour eux qui sont en France. Barakallahu fik, cher. Je leur conseille ce qu'on penser, je ne compte d'aller faire une chose qu'il ne peut pas, d'aller chaque matin au bord de la mer, et quand est-ce que le soleil se lève, et il prend avec lui des jumelles, il prend un télescope, et il prend un microscope, et il prend je ne sais quoi, des lunettes, et là-bas, il va prendre des photos, et il va faire des vidéos. Je ne compte pas, voilà. Je ne personne de faire cela. Je compte de prendre. Voilà, il va rien voir. Non, du calendrier de l'instant pour vous, vous paraît la plus fiable. Par exemple, il y a une instance, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui fait des calendriers, non, pour le siyam et pour la salat, etc. C'est qui cette instance, par exemple? C'est des ahbash. Ahbash, a'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah, les ennemis de la sunna, a'oudou billah. Donc je ne prends pas d'eux, ce ne sont pas des gens de confiance. D'ailleurs, même ils disent que notre qibla, ce n'est pas la vraie qibla. Ils ont une qibla spéciale, eux. Maintenant, il y a des gens, là, qui font des calculs ici, ce sont des gens, masha'Allah, ou bien salafis, ou bien s'ils ne sont pas salafis, mais ce sont des gens de confiance, là, connus pour leur droiture, leur religion. Bon, ils ne connaissent pas le minhaj, mais ce sont mieux que les ahbash, par exemple. Je prends de ceux-là. Si on doit me faire choisir entre les ahbash et ceux-là, je prends ceux-là. Et maintenant, s'ils se sont trompés, par exemple, là, moi, je n'ai rien à voir avec ceux-là. Moi, pour moi, ce sont des gens fiables. J'ai pris deux. Alhamdoulillah, Allah Ta'ala ne me demande pas plus que cela. Je vous demande, surtout, surtout, de ne pas rentrer dans ces choses. Ça va vous faire des problèmes, des ouswes, de grands ouswes. Tu vas jeûner toute la journée pendant, je ne sais pas, de 4 h du matin jusqu'à 22 h. Ensuite, peut-être passer la nuit avec des chagrins et de la tristesse. Je ne sais pas si ça a été accepté. Je ne sais pas si Allah Ta'ala va accepter. Je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont trompés. Je ne sais pas ceci, cela. Enlève tout ça de ta tête. Enlève les ouswes. Enlève les ouswes. Naam. Choisis une instance qui est connue, qui est fiable et ne pose pas beaucoup de questions. Ne pose pas, arrête de téléphoner à droite et à gauche et de poser des questions. Tu as jeûné, Allah Ta'ala, voir c'est quoi ton intention dans ton cœur. Tu as fait les efforts que tu as pu faire. Alhamdoulilah. Classe. L'essentiel dans tout cela, c'est est-ce que tu as craint Allah Ta'ala pendant la journée? Est-ce que tu n'as pas vu le haram? Tu n'as pas dit le haram? Tu n'as pas écouté le haram? Et comme ça. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Il reste 1 minute. Tfadlal. Une question ou deux. Je ne sais pas si c'est deux. Tfadlal. Cher, donc prochaine question, une personne qui demande, pouvons-nous donner zakat mal, je pense, pour des étudiants en sciences islamiques? Si c'est seulement en sciences islamiques, c'est permis. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Il a dit si c'est en d'autres, mais si c'est pour philosophie, pour mathématiques, pour ce n'est pas permis. Il est possible que je donne à l'étudiant, mais pas parce qu'il est étudiant pour qu'il a acheté des livres. Parce que possible, c'est un pauvre. C'est un endetté, c'est un voyageur, c'est un ceci. Non, mais spécialement pour qu'il achète des livres, c'est pas permis, sauf si c'est pour la et que la personne n'a pas de quoi acheter bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. C'est la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Donc, ça sera la dernière question. Donc, elle est assez longue, cher. Donc, une sœur demande, barakallahu fikoum pour votre aide et vos conseils, qu'Allah vous récompense ainsi que tous les admins. Pardonnez-moi pour les détails, mais ils sont importants pour le contexte, inshallah. Je suis une sœur professeure et je fais tout pour travailler dans des conditions islamiques par la grâce d'Allah. Je recevais environ 430 euros du RSA donné par l'État, l'aide donnée aux personnes à la recherche d'un emploi. Et je travaillais avec des musulmans, des musulmines en même temps, mais ils ne me déclaraient pas à l'État. Parfois, il nous est compliqué d'être déclaré lorsqu'on fait l'école à la maison pour éviter de mettre les enfants dans les écoles publiques ou dans des associations. Je ne savais pas que cela était aussi interdit en islam, donc j'ai arrêté ce travail car les musulmines avec qui je travaillais ne voulaient pas me déclarer. Ma question est, pour purifier cet argent et rendre licite mes biens, inshallah, dois-je sortir en sadaqa le salaire du travail au noir touché en même temps que le RSA ou dois-je sortir le RSA, ou peut-être les deux? Je précise que j'utilise le RSA pour payer mes factures et besoin du quotidien, par exemple. Voilà, c'est la fin de la question, mais je pense que si la sœur n'était pas au courant, donc voilà, je vous laisse répondre. Voilà, si la personne n'était pas au courant, elle ne savait pas. Dans ce cas, la taklif illa bi maqdour. Non, elle ne savait pas. Allah Ta'ala excuse quelqu'un qui ne savait pas. Quand elle savait que ça ne se fait pas, elle a pris cet argent. Dans ce cas, l'argent qu'elle a pris, pas le RSA, l'autre qui est interdit. Pour elle, le RSA n'est pas interdit. Ce qui est interdit pour elle, c'est l'autre. Ce qu'elle a fait sans être déclarée, les enfants, etc. Dans ce cas, cet argent, elle le donne, fisabilla, pour les nécessiteux. Mais, je reviens et je dis, si elle ne savait pas, on a dit tout à l'heure que toute personne qui fait une chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Non. Peut-être des fois, il lui donne des péchés pour ne pas avoir demandé la science. Sinon, en général, c'est ça la règle. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va arrêter ici. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت